baiser. On va les baiser cette fois-ci, tu vas voir. Oui, ils ouvrent pas la porte du LA. On va les baiser. Y'a là-bas des bordés qui vont nous aborder de baiser. La prochaine fois, on va les baiser. Et qui vont nous voir, ils vont penser quelque chose. D'aller se réfugier dans leur putain de boîte de PD. Nous on se connaît aussi la picole. La picole, d'accord, mais à moi d'un euro. La picole. Et tout ce que la tienne, c'est que les Québécois, ils chialent du sirop d'érable dans le cul. Ya, hola, hola, ça pour la cadrasse, mala. Hola, hola, c'est pour la bête en nebra. Hola, hola, c'est pour la cadrasse, mala. Hola, hola, toujours au bête en nebra. Hola, hola, c'est pour la cadrasse, mala. Hola, hola, c'est pour faire son nebra. Hola, hola, c'est pour la cadrasse, mala. Hola, hola, toujours au bête en nebra. Pour la tête de vodka que le prix est de nous-mêmes. Que le sang nous entraîne, que la veine nous démène. Pour la tête de vodka que le prix est de nous-mêmes. Que le sang nous démène, que la vie s'entraîne. Et à nos traînés, tout canapé dans le volta. Que j'attends pour casser pas de pour la drogue. De traîner tout canapé dans le volta. Que j'attends pour casser pas de pour la drogue. Ya, tata, tata, tata, tata, wow. Tata, tata, tata, tata, wow. Faites avec vie avec quoi toute la soirée. Faites avec vie avec quoi toute la soirée. Faites avec vie avec quoi toute la soirée. Faites avec vie avec quoi, quoi. Personne chez nous n'est normal. Moi je souffre et je chante. péter la lunette, pour les dents. Souffrez des chambres, le souffre m'enchante. Chaque le temps fait